belle saison, sans peur, sans haine et sans famille. Que respect, bonne relation, une fin heureuse qu'un temps les fait. Tout le monde y trouve satisfaction. Ah. Je me suis endormi.